Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gourmet du Pré 1860. Du premier homme. Explication. Après avoir parlé de l'âme humaine dans le traité précédent, nous arrivons à la création du premier homme, quant à l'âme, quant au corps, quant à la femme. Nous examinerons ensuite la fin ou le terme de la création, qui est la ressemblance avec Dieu. Nous passerons de là à l'état primitif de l'homme par rapport à l'intelligence, à la volonté, à la conservation du corps, à la conservation de l'espèce par la génération, à la condition des enfants, et au lieu où Adam fut placé. Question 90. De la création du premier homme quant à l'âme. L'âme n'est pas une partie de la substance de Dieu, elle a été créée par son souffle en même temps que le corps. 1. L'âme est-elle faite de la substance de Dieu? Saint Augustin, passant en revue, dans son traité de l'âme, les divers systèmes philosophiques qu'il estime infiniment pervers et directement opposés à la foi, mais au premier rang celui qui enseigne que Dieu a fait l'âme de sa propre substance. Dire, en effet, que l'âme est de la substance de Dieu, c'est dire une absurdité. L'âme n'est parfois intelligente qu'en puissance. Note. Dans l'enfant et dans l'homme qui sommeille. Fin de la note. L'âme emprunte ses connaissances aux choses extérieures. Elle a des facultés diverses, elle ne tient pas son être d'elle-même, elle n'existe que par participation. Dieu, au contraire, est un être toujours en acte qui ne saurait rien recevoir des autres êtres, qui n'a pas de facultés diverses, tant son être est simple et un, qui est son être à lui-même, et qui existe, non par participation, mais par soi. Entre deux êtres doués de facultés si diverses, comment l'identité de nature serait-elle possible? Note. Il ne servirait à rien de nous opposer ce passage de la Genèse. Dieu forma l'homme du limon de la terre, il lui inspira à la face un souffle de vie, et l'homme fut fait en une âme vivante. Genèse 2. Personne ne s'avisera d'entendre le souffle divin dans le sens matériel, il signifie la production d'un esprit. Le nôtre, d'ailleurs, n'est pas une portion de notre substance, c'est quelque chose d'une nature étrangère. Fin de la note. 2. L'âme est-elle produite par création? La Genèse nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Genèse 1. Par où ressemblons-nous à Dieu, si ce n'est par notre âme? L'âme de l'homme a donc été produite par voie de création. En effet, comme substance spirituelle, elle n'a pas pu être faite d'une matière préexistante. De ce qu'elle est l'acte ou la vie du corps, il ne s'ensuit pas qu'elle soit tirée d'une matière corporelle. Son être, qui est une substance indépendante du corps, dépasse toute la capacité de la matière, c'est pourquoi il faut nécessairement dire qu'elle reçoit l'existence par création. 3. L'âme raisonnable est-elle produite par Dieu même? Nous lisons dans la Genèse, Dieu inspira sur la face de l'homme un souffle de vie. Genèse 2. On a prétendu que les anges, agissant par la puissance de Dieu, produisent les âmes raisonnables. Cela est impossible et contraire à la foi. L'âme raisonnable, avons-nous dit, ne saurait être produite que par voie de création. Or, Dieu seul peut créer. Les autres êtres, n'exerçant leur action que sur une matière préexistante, n'opère que des transformations. L'âme humaine ne peut être produite par la transformation d'une matière quelconque, il est nécessaire qu'elle soit produite par Dieu même. 4. L'âme humaine a-t-elle été produite avant le corps? L'âme fait essentiellement partie de la nature humaine. Elle n'a sa perfection naturelle que tant qu'elle est unie à un corps, non comme simple moteur, mais comme forme. Dieu, qui a établi les premières choses dans un état parfaitement conforme à leur nature, n'a pas dû la créer sans le corps. Note. Origène et même saint Augustin ont enseigné que l'âme était comprise dans la création primitive qui eut lieu avant les six jours. Mais, d'après le sentiment commun des pères, elle a été créée au sixième jour avec le corps, dont elle est la vie. L'opinion de saint Thomas est la même que celle des pères, à l'exception de saint Augustin, qui, du reste, n'est pas, à cet égard, très affirmatif. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.